L'affaire Teppner, 1. Aux habitants de Guernesey, janvier 1854. Une condamnation à mort est prononcée dans les îles de la Manche. Victor Hugo intervient. Peuple de Guernesey, c'est un proscrit qui vient à vous. C'est un proscrit qui vient vous parler pour un condamné. L'homme qui est dans l'exil tend la main à l'homme qui est dans le sépulcre. Ne le trouvez pas mauvais et écoutez-moi. Le mardi 18 octobre 1853, à Guernesey, un homme, John Charles Teppner, est entré la nuit chez une femme, Madame Saujon, et l'a tuée. Puis, il l'a volée, il a mis le feu au cadavre et à la maison, espérant que le premier forfait s'anirait dans la fumée du second. Il s'est trompé. Les crimes ne sont pas complaisants, et l'incendie a refusé de cacher l'assassinat. La Providence n'est pas une receleuse. Elle a livré le meurtrier. Le procès fait à Teppner a jeté un jour hideux sur plusieurs autres crimes. Depuis un certain temps, des mains, tout de suite disparues, avaient mis le feu à diverses maisons dans l'île. Les présomptions se sont fixées sur Teppner, et il a paru vraisemblable que tous les précédents incendies dussent se résumer dans le sanglant incendiaire du 18 octobre. Cet homme a été jugé. Jugé avec une impartialité et un scrupule qui honorent votre libre et intègre magistrature. 13 audiences ont été employées à l'examen des faits et à la formation lente de la conviction des juges. Le 3 janvier, l'arrêt a été rendu à l'unanimité et à 9h du soir, en audience publique et solennelle, votre honorable chef magistrat, le bailli de Guernesey, d'une voix brisée et éteinte, tremblant d'une émotion dont je le glorifie, a déclaré à l'accusé que la loi punissant de mort le meurtre, il devait, lui, John Charles Teppner, se préparer à mourir, qu'il serait pendu le 27 janvier prochain sur le lieu même de son crime et que, là où il avait tué, il serait tué.